Et juste pour finir, si vous voulez des infos pour les interventions, etc., il y a un site Facebook qui est, dont l'adresse est par là, elle doit être ici, sur la feuille, ici. Donc vous pouvez suivre tous les programmes et vous inscrire si vous voulez. Et n'hésitez pas à relayer autour de vous aussi ça. Parce que tout le monde n'est pas au courant que ça existe, éducation et Éduque Pop debout. L'idée, c'est que ça, pour que ça puisse continuer à exister, il faut que ce soit partagé, qu'il y ait d'autres gens qui viennent. Et c'est très bien que ça continue le plus longtemps possible. Voilà, bah, merci Anne-Julie. Bonjour à tous. Alors oui, je viens vous parler de la LSF. Et alors déjà, je voulais juste corriger une petite erreur. C'est pas langage des signes, mais langue des signes. Alors faut pas confondre justement, parce que souvent on dit langage, et que on parle plutôt de langage des abeilles ou de langage informatique, mais la langue des signes est une vraie langue, donc avec ses spécificités, sa grammaire, sa syntaxe, etc. Donc on parle de la LSF, langue des signes française. Et oui, elle est française, donc effectivement chaque pays a sa langue des signes, c'est pas international, et je vous expliquerai après pourquoi. C'est une langue des signes qui fonctionne du coup pas du tout comme les langues orales, du fait qu'elle a déjà dans la main, il y a 5 paramètres pour la définir. Le mouvement de la main, la configuration, l'emplacement dans l'espace, l'orientation, la mimique faciale qui joue aussi sur le sens, et ensuite le mouvement que la main fait dans l'espace, et tout ça a un sens. Donc on peut avoir, en fonction d'un paramètre qui change, un sens différent. Déjà, je voulais savoir s'il y avait déjà des personnes qui connaissaient un peu des choses sur la langue des signes ou pas. Ou non. Voilà. L'autre question que souvent les gens se posent, c'est savoir depuis quand la langue des signes française existe, depuis quand la langue des signes de manière générale existe. Et souvent, il y a une erreur où les gens pensent que ça date de l'abbé de l'Épée qui a créé la langue des signes en France. Or, on sait tous que la langue des signes existe depuis que les sourds existent, en gros, et qu'ils ont dû se rencontrer. Il y a des témoignages dans des livres de Platon, etc., des témoignages depuis l'Antiquité. Et en fait, il y a des études aussi qui prouvent que, certainement avant que les hommes préhistoriques puissent avoir un langage articulé, utiliser déjà un langage gestuel. Et donc souvent, on dit que la langue des signes est presque la langue originelle. Voilà. Au niveau de l'histoire, du coup, je vais continuer là-dessus. L'abbé de l'Épée, c'est celui c'est un abbé donc, qui a ouvert les premières écoles publiques en France, et qui était un petit peu protégé par le roi. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, en 1770, quand il a créé les premières écoles en France, on jouissait d'écoles qui était quand même admiré par plein d'autres pays dans le monde, et les gens venaient en France pour savoir comment on s'organisait, prendre des conseils sur la méthode que lui utilisait auprès des enfants, etc. Et il a également formalisé, il a créé une méthode, et il a écrit des livres dessus, il a commencé aussi à faire des dictionnaires de description des signes. Et il a aussi également ajouté des signes qu'il a créés lui-même, parce qu'il trouvait qu'il y avait des signes qui manquaient pour vraiment pouvoir enseigner. Aujourd'hui, ces signes sont assez rejetés par la communauté des sourds, parce qu'ils estiment que justement, ça fait pas, c'est pas propre à la langue. Et donc ensuite, au niveau de l'histoire, il y a cette période assez bienveillante pour les sourds en France. Et puis en 1880, à Milan, se réunit un congrès qui est composé essentiellement de médecins et qui décide d'interdire l'usage de la langue des signes pour les sourds en Europe, en arguant de plusieurs facteurs, comme le fait que, comme ils s'agitaient avec les mains, ils avaient plus de difficultés pour respirer, que ça risquait pour eux d'avoir plus de tuberculose, etc. Ou bien que la langue des signes n'était pas une langue, etc. Et donc, il faut savoir que cette interdiction qui tombe en 1880, elle va durer jusque dans les années 60 en France. Et on attend en 77 la levée par le ministère de la Santé de cette interdiction de l'usage de la langue des signes dans l'éducation des sourds. Et c'est ensuite, il faudra attendre encore 91, la loi Fabius, pour réintroduire la langue des signes dans les écoles et la loi maintenant 2005, qui est vraiment très récente, sur l'égalité des chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. Et donc maintenant, depuis 2005, les parents d'enfants sourds sont censés avoir le choix de scolariser leur enfant soit dans un système oraliste, où l'enfant sourd va apprendre à parler, soit dans un système où on utilise la langue des signes pour l'enseignement de toutes les disciplines et on enseigne le français écrit uniquement et pas l'oral. On est en 2016 et sur les 30 académies françaises, il y en a 11 qui sont dotées d'une classe réellement bilingue où les enfants peuvent avoir une scolarisation en langue des signes. Sachant que dans tous ces 11 classes, il y a encore de nombreux dysfonctionnements, il y a des problèmes de statut d'enseignant, il n'y a pas de support, il n'y a pas de grammaire encore, il n'y a pas de manuel. Donc tous les enseignants font un petit peu créer leurs outils eux-mêmes, etc. Il y a des problèmes d'organisation interne aussi propres à chaque classe. Donc on est encore, il y a encore du chemin à faire. Alors je ne sais pas pour ceux qui sont déjà venus à Nuit Debout, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y avait une commission langue des signes qui se réunissait tous les dimanches. Je ne sais pas si là ils sont encore là en ce moment, mais voilà. Et donc il y a encore de nombreux combats à mener. Ça touche tous les handicaps, mais moi je vous parle de celui que je connais. La langue des signes française, elle n'est pas encore inscrite dans la Constitution française, en fait. Donc, il y a aussi un grand combat encore là-dessus pour faire reconnaître la langue des signes comme langue à part entière, langue d'enseignement. La situation aujourd'hui, c'est que la plupart des associations qui proposent des cours de langue des signes sont encore excessivement chères parce qu'elles sont très peu subventionnées. On peut la choisir au bac, par exemple. Donc ça, c'est une avancée, mais en même temps, on se rend compte que la plupart des gens qui la choisissent au bac sont finalement des entendants qui ont appris la langue des signes parce que ça leur faisait plaisir, etc. Mais que les sourds, comme il y en a très peu qui peuvent vraiment avoir un enseignement en langue des signes, et il y en a très peu qui arrivent jusqu'au bac, parce que encore aujourd'hui, on paye cette interdiction de 100 ans. Ce qui fait que les sourds se retrouvent quand même avec un énorme taux de chômage, 60%, même certains annoncent plus. Il y a un très faible niveau de lecture et d'écriture des sourds en France. On ramène souvent le...